Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Isangane. Bienvenue à cette édition la toute dernière de ce 6 mars 2018 dont voici les principaux titres. Le gouvernement burundais envisage de sanctionner les fonctionnaires de l'État qui subissent des formations d'histoire. Une note complète proposa d'ailleurs la forme de réglementation à initier est attendue à la deuxième vice-présidence de la République avant le 15 mars. À 2 jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, la rédaction de la Radio Isangane vous propose dans ses séries de reportages Claudine Ngoleriimana, conductrice de taxi vélo, qui dit avoir pensé à faire ce travail car les conditions de vie lui étaient difficiles. Et la traité internationale burundaise Francine Niyonsaba est rentrée au Burundi ce mardi. C'est après avoir décroché une médaille d'or sur 800 mètres en Angleterre. Et dans la chronique santé de ce mardi, on vous parlera des infections aérodigestives supérieures dont les bactéries et les virus en sont les causes. Nous expliquera Dr. Jean-Gentil Rumbete, spécialiste en otorhino-laryngologie. Voilà pour le sommaire. Placide Niyomungere est à la présentation. Côté technique, je suis avec Jean de Dieu Ndayisenga. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, page éducation pour débuter ce journal. Le gouvernement burundais envisage des mesures à l'endroit des fonctionnaires de l'État qui subissent ou qui ont subi des formations d'histoire alors qu'ils y sont censés être au service. Cela apparaît dans une lettre que la deuxième vice-présidence a adressée à la ministre ayant chargé l'éducation nationale et la recherche scientifique pour lui demander de dresser la liste de ses fonctionnaires. Une note complète à cette problématique est attendue avant le 15 mars courant. Le point avec Léonce Vitalio. La correspondance signée le 28 février et dont la copie a été envoyée au président de la République et au premier vice-président a comme objet problématique liée aux formations irrégulières. Partout où s'est mentionné le concept de formation irrégulière, il y a explication entre parenthèses formation du soir. Madame le ministre, dit la correspondance, nous avons l'honneur de vous demander d'apprêter, en collaboration avec le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, une note complète relative à cette problématique, dégageant l'impact sur les services publics et sur cette formation, ainsi que la forme de la réglementation à initier. La note est ainsi attendue au cabinet du deuxième vice-président de la République avant le 15 mars de l'année en cours. Elle sera soumise pour validation par les ministres concernés avant d'être transmise au Conseil des ministres pour adoption. Selon toujours la correspondance, il est également demandé au ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de dresser la liste de tous les fonctionnaires qui ont subi ces formations alors qu'ils étaient censés être au service afin que des mesures soient prises à leur endroit. Une copie de la correspondance a été en tout cas réservée au ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida qui n'a pas tardé à réagir. Josiane Nijimbele a adressé à son tour lundi 5 mars une correspondance à tous les médecins directeurs des provinces sanitaires leur demandant de transmettre au plus tard le 10 mars le rapport portant sur les types de formation soir ou jour dans les universités, instituts ou écoles de formation médicale qui pratiquent ce genre de formation. Les noms, les matricules et les postes d'attache de ceux qui suivent ces formations doivent également être mentionnés. Léon Sévitali, à qui nous disons merci. La traité internationale burundaise Francine Niyonsaba est rentrée au Burundi ce mardi matin après avoir décroché une médaille d'or sur 800 mètres en salle de Birmingham en Angleterre. Et la radio Sanganiro avait dépêché Evariste Nzikobanyang à l'aéroport international de Bujumbura. Voici ce reportage. Après avoir décroché une médaille d'or à Birmingham, en Angleterre, Francine Niyonsaba a été chaleureusement accueillie par différentes personnalités à l'aéroport international de Bujumbura. Cette athlète a affiché une immense joie et a indiqué que cette médaille d'or appartient au pays. J'ai une immense joie de revenir au Burundi avec la médaille d'or. C'est formidable. Je voudrais remercier particulièrement ma famille, mes coachs, mes amis, ceux qui se trouvent ici au Burundi en dehors. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur des États-Unis qui se trouve à côté de moi. L'ambassadrice des États-Unis au Burundi, le pays dans lequel Francine Niyonsaba fait ses entraînements, s'est jointe à ceux-là qui étaient venus accueillir Francine Niyonsaba. Elle a aussi exprimé sa joie. Ndakeje Francine, Ndakeje Burundi, da Himbawe. L'ambassadrice des États-Unis au Burundi indique être contente de voir Francine, qui s'entraîne sur le sol américain, décrocher cette médaille en or. Elle encourage cet illustre athlète en particulier et tous les Burundais en général. Yet another victory for you and for all Burundians. Au sein de la Fédération d'athlétisme du Burundi, FAB en sigle, l'on encourage Francine Niyonsaba qui ne cesse de remporter des médailles honorifiques. Le secrétaire général de la dite fédération, Jean-Pierre Sinzinghayo, précise que des détections sont en cours pour avoir, dès le jour à venir, les successeurs de Mademoiselle Niyonsaba. Comme vous le savez, je pense que vous, les journalistes, vous avez été témoins de ce que nous sommes en train de faire. Pour le moment, on a changé de stratégie. Nous organisons d'abord les compétitions au niveau des provinces. Nous organisons aussi des compétitions au niveau régional et nous organisons des compétitions au niveau national. Donc, c'est-à-dire que ce qui arrive au niveau national, ce sont des athlètes qui sont sélectionnés dans les différentes compétitions que nous organisons au niveau des provinces et au niveau des régions. Parmi les talents que vous avez déjà détectés, y a-t-il des talents qui puissent remplacer Francine demain ou après-demain? Je ne peux pas vous dire que demain ou après-demain, on peut avoir une athlète comme Francine, mais je peux vous dire que nous sommes en train de nous y mettre. Nous allons pouvoir avoir des athlètes qui puissent remplacer valablement l'athlète Francine Niyonsaba, le Veniste Niyongabo que vous avez connu et Aloïse Nizigama et d'autres. Lors de cette course de 800 mètres qui s'est déroulée à Birmingham en Angleterre, Francine Niyonsaba a fait le chrono d'une minute, 38 secondes et 31 centimes. Evariste Nzikobanyanga qui nous disons également merci. Nous marquons une courte pause et puis nous ouvrons la page environnement. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, il est possible de diriger l'hippopotame se trouvant au centre d'épuration des eaux usées de Boutelele vers le delta de la Rusizi où les eaux du lac Tanganyika Nakimazi Gaspard, l'environnement, docteur en sciences de l'environnement avec spécialité en environnement aquatique, explique qu'aujourd'hui l'habitat des animaux aquatiques et amphibiens a été envahi par l'homme. Pour lui, le strict respect du code de l'eau est le moyen de protéger ces animaux. C'est après que certains habitants de Boutelele, près de ce centre d'épuration, se sont plaints que cet hippopotame ravage ces champs. Suivez le docteur Nakimazi Gaspard au micro de notre consoeur Mireille Kanyang. Tout être vivant, tout animal a besoin d'un habitat. Un habitat, c'est-à-dire c'est un endroit où dormir, où se reposer, où se reproduire et aussi trouver à manger. Quoi. Et donc ces hippopotames, ils ont donc besoin à la fois et de l'eau, surtout pour passer la journée quand dehors il fait trop chaud, mais aussi de l'herbe, parce que ce sont des herbivores, de l'herbe pour manger. Et alors, donc ces hippopotames, ils ont donc besoin d'un endroit proche, notamment du lac. Alors le problème de chez nous, donc c'est-à-dire du lac Tanganyika, c'est que leur habitat a été envahi par nous. Pour le moment, on a donc de la chance, c'est que donc, on a le delta de la Rusizi, qui est une aire protégée. Cette partie-là, c'est pas grand, mais au moins, ça peut permettre la vie dans cet nombre d'êtres vivants, les hippopotames notamment. Il y a un hippopotame qui vient de passer 2 mois au centre d'épuration des eaux usées de Boutelele. Que faudrait-il faire pour que cet animal soit protégé? Comment faudrait-il le faire? D'abord, l'hippopotame, il va mordre personne. Quoi. C'est un herbivore. Il y a des gens qui disent que l'hippopotame peut les mordre, tout ça, qu'il va manger leurs enfants. C'est pas vrai. Il est exclusivement herbivore. S'il est agressif, c'est le plus souvent que lui-même il se sent agressé. Alors il se défend plus ou moins. Là. L'endroit où il soit plus ou moins protégé, c'est dans le delta de la Rusizi. Donc en fait, la solution, c'est répéter. De voir comme on fait dans d'autres pays, là, au lieu de les tuer, il y a moyen de les conduire tout doucement là, vers la Rusizi, sans leur tirer dessus. En faisant du bruit, en se déplaçant tout doucement vers eux, en faisant du bruit, ils vont s'éloigner tout doucement, s'assurer qu'ils prennent la direction le long de la côte, là, vers la Rusizi. Comme on peut faire pour même les bovins, là, sans taper dessus, sans les tuer, là, il y a moyen de les pousser tout doucement. Ils finiront pas arriver là-bas. Selon une certaine opinion, un hippopotame blessé, s'il est tombé dans un trou, dans une fosse septique, il ne peut plus intégrer sa famille dans le lac, est-ce vrai? S'il est blessé, tant qu'il ne retourne pas dans le troupeau, s'il a dû quitter de force le reste du troupeau. Il peut donc vivre très bien en dehors du troupeau là, mais en restant dans une zone où il peut retrouver de quoi manger. S'il est blessé, il va guérir, il n'y a pas de problème. Que faudrait-il faire pour protéger les animaux aquatiques et amphibiens? Les animaux aquatiques et amphibiens, il faut donc qu'ils aient un habitat, c'est-à-dire à la fois et de l'eau et une zone en dehors de l'eau où il y a de la nourriture essentiellement. Et ils ont aussi, quand même aussi besoin de calme. Pour les hippopotames, là, ce qu'on a là, il leur faut donc effectivement une zone à la fois aquatique proche de l'eau, une zone où il y a assez de végétation. Du plus grand au plus petit, on est obligé de suivre, de respecter la loi. Personne n'a le droit d'avoir une parcelle là-bas. Personne n'a le droit d'avoir une activité dans cette zone-là. L'OBP et le ministère de l'Environnement, ils ont l'ordre d'utiliser, s'il le faut, la force publique d'appliquer la loi. C'était Dr Gaspard Nakimazi, le docteur en sciences de l'environnement. Et nous sommes dans la semaine dédiée à la femme. Et la rédaction de la radio Sanganiro vous présente aujourd'hui Claudine Ngorelimana, 25 ans, conductrice de taxi vélo en commune Nangwa, au nord de la capitale Bujumbura. Il dit avoir pensé à faire ce travail parce que les conditions de vie lui étaient difficiles. Claudine Ngorelimana, qui affirme qu'au départ, elle n'était pas comprise par son entourage, son rêve est d'avoir un permis de conduire pour devenir un jour conductrice de moto, voire de taxi voiture. Le reportage est signé Gertrude Mawinayo. Claudine Ngorelimana est une jeune fille de 25 ans. Elle est conductrice de vélo il y a 3 ans. On la rencontre là où se trouve son parking en zone Buterere de la commune Ntahangwa, à mairie de Bujumbura. Elle discute le prix avec son client. Elle dit qu'elle a pensé faire ce travail parce qu'avant, elle travaillait pour d'autres personnes qui ne lui payaient même pas. J'ai commencé à travailler comme domestique dans un restaurant et je gardais aussi les enfants. Ma patronne avait deux jumeaux. J'ai travaillé pour elle 3 mois sans être payée, même 10 francs. Après, j'ai continué à travailler dans les rizières, mais là aussi, on ne nous payait pas. Après, j'ai travaillé dans la fabrication des briques parce que moi, je suis capable de faire n'importe quel travail manuel. Là, j'ai pu recevoir peu d'argent et je me suis dit chercher le matériel pour me lancer dans la rue comme conductrice de vélo. Claudine Ngorelimana affirme qu'au départ, elle était mal comprise par ses amis et son entourage. Cette fille dit qu'elle rencontre des difficultés dans son travail ou des fois elle est même emprisonnée, accusée d'avoir dépassé les heures de travail. Cependant, elle est satisfaite du fait que chaque jour, elle peut gagner entre 10 et 12 000 francs burundais et peut donc se payer le loyer et la ration. Elle conseille les autres jeunes filles ou femmes de renoncer à des pratiques qui les déshonorent comme la prostitution, mais plutôt d'apprendre à travailler de leur propre main. Elle me disait que je les ai déshonorés, qu'il n'a jamais existé de femme ou fille qui fait le taxi vélo, qu'il faudrait mieux que j'aille me prostituer, mais moi, je leur ai dit que personne n'est jamais heureuse d'être prostituée. Elles doivent plutôt travailler parce qu'elles ont de la force. Je leur ai également dit qu'elles se retrouveraient en train de se quereller avec des femmes d'autres maris qu'elles auront entraînées dans la prostitution et que ça ne sera pas facile. C'est au moment où a débuté la semaine dédiée à la femme depuis ce lundi 5 mars 2018. Gertrude Mawinayo, une actualité provinciale à Muyinga. Les jeunes partent toujours à la recherche du travail dans les pays voisins sans se munir des documents de voyage, ce qui leur cause des ennuis. Le conseiller principal du gouverneur de cette province en appelle à tout un chacun de profiter plutôt le guichet unique provincial qui délivre différents documents administratifs depuis un mois. Les précisions de notre correspondant Tudon Nseiman. De jeunes déscolarisés des collines comme Ngoyoyo, Kinazi, Murama, Ruizi, Gasasa, commune Muyinga, migrent encore vers la Tanzanie. La recherche du travail bien rémunéré est leur motivation. Dans les plantations, par jour, Ces jeunes gagnent plus du double comparativement à l'argent gagné au pays natal. Des parents révèlent que des dangers guettent ces jeunes, majoritairement émigrants sans papier. Parfois, ils sont dépouillés de l'argent gagné et accusés d'immigration illégale ou hamiage halam en Kiswahili. Ils sont malmenés, voire détenus dans des cachots sans une moindre assistance de l'air. Cette ignorance justifierait que des gens traversent la frontière aujourd'hui sans papier d'après les administratifs. Les documents comme le laissez-passer, les passeports, autrefois délivrés uniquement à Bujumbura, sont délivrés ici à Muyinga par le bureau du guichet unique. Jean-Bertrand Simhavansi, conseiller principal du gouverneur de la province Muyinga, demande aux administrés de Muyinga et des provinces voisines de saisir cette opportunité et éviter des mouvements à risque. Des communiqués ont d'ailleurs été lus à travers les églises pour faire connaître le guichet unique. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. Et la chronique de santé de ce mardi nous parle des infections de voies aérodigestives supérieures. Docteur Jean Gentil Rumbete, spécialiste en otorhinolaryngologie, fait savoir que les bactéries et les virus sont les causes de ces infections, mais que certains facteurs comme la grippe, les allergies et le froid peuvent aggraver la situation. Les troubles de la déglutition et la perte de la voix sont quelques signes de ces infections. La chronique santé de ce mardi est signée Francine Ndiokoukaï. Les infections des voies aérodigestives supérieures sont réparties dans les différents organes où passe l'air et les aliments. Le docteur Jean-Jean Tirumbete, spécialiste en otorhinolaryngologie, indique que ces organes ont un rôle important à jouer dans l'organisme. Ces infections qui sont dans la sphère aérée, dans la partie appelée gorge, se répartissent dans les différents organes où passent l'air et les aliments, c'est-à-dire les voies aériennes et digestives. Et ces petits organes sont notamment le pharynx, le larynx, l'épiglotte, les amygdales pharyngées, et jouent un rôle très important, notamment dans la déglutition, dans la phonation et dans la respiration. Les bactéries et les virus sont les causes de ces infections, mais d'autres facteurs peuvent les favoriser. Ce sont les bactéries et les virus, mais certains facteurs favorisants vont aggraver finalement la situation. C'est notamment la grippe, l'allergie, les sinusites avec respiration buccale qui peut être source d'assèchement pharyngé, le reflux gastro-œsophagien. C'est notamment le déficit immunitaire, c'est-à-dire chez les malades diabétiques, chez les malades atteints du VIH. Les vapeurs et les poussières chez les professionnels des industries, les climatiseurs, l'humidité et le froid, c'est notamment chez les personnes alcoolo-tabagiques. C'est aussi notamment chez les chanteurs. Des difficultés d'avaler et la perte de la voix sont certains des signes de ces infections des voies aérodigestives supérieures, selon toujours le docteur Rumbete. Elles sont principalement cinq. Je peux citer une pharyngite, l'épiglottite, la laryngite, la luettite et l'amygdalite. Alors, les signes sont multiples et diversifiés. Troubles de la déglutition, difficulté pour avaler, la dysphonie, c'est-à-dire la perte de la voix, la paresthésie ou sécheresse pharyngée, la douleur au niveau de l'oreille, beaucoup de salive dans la bouche, la mauvaise haleine, c'est-à-dire mauvaise odeur dans la bouche. La prévention est possible dans certains cas et le traitement à base d'antibiotiques permet de guérir ces infections. Le traitement, il est en fonction de l'étiologie. Premièrement, il s'agit des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire l'éviction des facteurs favorisants déjà énumérés, c'est-à-dire le port de masque, boire beaucoup de l'eau, éviction de l'alcool et du tabac ou aliments responsables. Le traitement médical aussi, c'est traiter en fonction de l'étiologie. C'est traiter les allergies, c'est la désobstruction nasopharyngée, c'est traiter les infections qui sont responsables par les antibiotiques adaptés, c'est aussi traiter le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire la remontée du liquide acide vers le pharynx. Ces infections des voies aérodigestives supérieures entraînent aussi des complications. Les complications articulaires, c'est notamment le rhumatisme articulaire aigu. Les complications cardiaques, c'est notamment ce qu'on appelle la chordite rhumatismale. Les complications bronchopulmonaires, ce sont les bronchites ou les bronchiolites chez les enfants ou les bronchopneumopathies. Alors les complications néoplasiques, c'est le cancer, notamment le cancer de la gorge. Le spécialiste en otorhinolaryngologie conseille aux gens de ne plus faire recours aux tradis praticiens dans le traitement de telles infections, car c'est au médecin de décider qu'il y ait une opération ou pas. Merci Francine Ndiokoga, merci également à Dr Jean Gentil Rumbet. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci également à Jean-Dodien Daisenga qui assure la mise en onde de la présentation. Vous étiez avec Placide Niamongere, bonne soirée à tous, au revoir.